Verdun, récit patriotique par Jean Petit-Huguenin. Chapitre 1er, la conception. À la fin de novembre 1915, le grand état-major allemand était averti, tant par ses espions que par les signes multiples d'une activité insolite, que les Alliés préparaient pour le printemps de 1916 une offensive combinée sur tous les fronts. Il était bien vrai que la fameuse unité de commandement que les gouvernements de l'Entente ont eu, semble-t-il, tant de peine à réaliser, était alors presque établi, sinon en titre, du moins en fait. Joffre, après avoir fait adopter son point de vue aux états-majors alliés, allait lui donner une espèce de consécration officielle. Une conférence interalliée, tenue à Chantilly le 6 et 7 décembre 1915, sous la présidence du général Joffre, décidait que les Alliés prendraient une offensive générale dès que l'armée britannique et l'armée russe auraient réuni les effectifs et le matériel nécessaires. La date de cette offensive générale demeura toutefois longtemps indécise. Une certaine latitude devait nécessairement être laissée aux Italiens, aux Serbes et aux Russes, comme aussi aux Roumains, dont on escomptait alors l'intervention. Mais en ce qui concerne le front britannique, l'unité d'action pouvait et devait se réaliser. Il fut convenu entre le général Joffre et Sir Douglas Haig que l'offensive se déclencherait sur la Somme vers le 1er juillet. Les préparatifs de cette vaste manœuvre furent entrepris dès la fin de 1915. On sait assez quels travaux gigantesques exigent la préparation d'une grande offensive dans la guerre moderne. Il faut élargir et doubler les routes, en tracer de nouvelles, jeter des ponts, poser des kilomètres et des kilomètres de rails, établir des dépôts de munitions, organiser des centres de ravitaillement et des hôpitaux, creuser des puits, construire des canalisations, sans parler de tout ce qui se rattache directement à la bataille, comme les tranchées, les abris, les emplacements de batteries. L'activité que déploie une armée en campagne pour mener à bien de tels travaux ne peut passer inaperçue aux regards attentifs de l'ennemi. Les Allemands, même s'ils n'étaient pas exactement renseignés sur les décisions du Conseil de guerre interallié, savaient donc avec certitude que les franco-britanniques s'apprêtaient à leur porter un coup terrible sur le territoire français. Dans toute stratégie, le principe qui domine est de s'efforcer de prévenir les coups de l'adversaire. Les Allemands se montraient donc fidèles à la doctrine quand ils décidaient, à la fin de 1915, d'attaquer les premiers afin de réduire à néant le plan des Alliés. On prétend que dans la conférence qui se tint alors sous la présidence du Kaiser, l'accord eut quelque peine à s'établir. Deux partis étaient en présence, celui du Hindenburg et celui du Kronprinz. Le premier, qui comprenait Ludendorff et Mackensen, voulait réserver aux entreprises orientales et à la conquête des plus belles provinces russes le meilleur des forces allemandes. Le second, dans lequel se rangeaient l'empereur en personne, Falkenhayn et le prince héritier de Bavière, considérait au contraire que l'ennemi principal était la France. Abattre la France était le seul moyen d'obtenir la victoire décisive. L'autorité du Kaiser fit donner raison au Kronprinz. L'offensive de Verdun, entreprise en plein hiver, le 24 février 1916, sur des territoires engourdis sous la neige, fut la conséquence de ce grand débat. Verdun a toujours été considéré par les chefs de guerre allemands comme un des points essentiels de nos lignes de défense. Aux yeux de nos ennemis, Verdun est la barrière au-delà de laquelle, si l'on parvient à la franchir, on pénètre sans résistance au cœur de notre pays. De grands souvenirs historiques planent sur la vieille cité que domine fièrement sa citadelle aux casemates profondes et invulnérables. La ville a été longtemps revendiquée par les empereurs germaniques. Elle fit partie des états de Louis le Germanique vers la fin du IXe siècle, puis de ceux d'Othon le Grand au Xe. Ainsi, de siècle en siècle, la ville fut, avec toute la Lorraine, âprement disputée entre les deux ennemis irréconciliables, la France et l'Allemagne. Elle est restée une proie convoitée par nos adversaires. Ces raisons, pour ainsi dire sentimentales, justifiaient l'offensive sur Verdun aux yeux du peuple allemand, mais il y en avait d'autres, plus sérieuses, qui avaient pesé sur la décision des chefs militaires. Verdun garde la porte du bassin minier de Briey, dont les pans germanistes réclamaient l'annexion avec tant d'insistance. Il formait, au début de 1916, un saillant dans les lignes ennemies et se trouvait par conséquent exposé à des attaques convergentes d'autant plus difficiles à déjouer que ce saillant était coupé en deux par la Meuse. Les communications d'une rive à l'autre pour les troupes de la défense deviendrait précaire dès qu'une puissante artillerie, massée autour de la place, concentrerait ses feux sur les routes et sur les ponts. La partie de nos forces qui se trouvait sur la rive droite de la Meuse risquait même de se voir couper complètement sa ligne de retraite, d'être acculée au fleuve, sans moyen de ravitaillement et écrasée dans cette impasse. La médaille a son revers. Verdun est environné de collines qui, disposées sur plusieurs lignes concentriques, forment autant de remparts naturels. Ce sont, sur la rive droite de la Meuse, d'abord la ligne de Brabant avec la côte des Roches, en face du ruisseau de Forges, les hauteurs du bois de Haumont, du bois des Corps, du bois de Ville et de l'Herbe-Bois en face des jumelles d'Orne, deux mamelons de 310 et 307 mètres qui étaient occupés par les Allemands au début de l'offensive. Ce premier rempart s'appuie à sa droite, dans la direction du sud-est, sur les côtes de la Meuse, ligne continue de hauteur d'une altitude moyenne de 360 mètres qui se dresse comme une falaise à 110 mètres environ au-dessus de la vaste plaine de la Beuvre. Sur sa gauche, qui touche à la Meuse, il se prolonge de l'autre côté du fleuve par les collines qui bordent au nord le ruisseau de Forges, par la position du bois de Malancourt, d'Avaucourt et Vauquois. Une seconde ligne, plus puissante que la première, suit sur la rive gauche de la Meuse et les hauteurs au sud du ruisseau de Forges, depuis le bois de Malancourt jusqu'à Régnéville, en passant par la côte 304, le Mortomme, le bois de Cumières et la côte de Loye. Sur la rive droite de la Meuse, elle passe par Samogneux, la corne sud du bois des Corps, la ferme de Saint-André, et rejoint les hauts de Meuse au nord du village d'Orne. Sur la rive gauche du fleuve, dans leurs assauts les plus furieux, les Allemands ne réussiront pas à faire tomber complètement cette seconde ligne. Sur la rive droite, ils pousseront plus loin, mais auront à forcer une troisième ligne, celle de Champneuville avec la côte du Talou, Louvemont, le bois des Fosses, les Corrières. Ce n'est pas fini. Dans leur vain effort de titans à qui la rage aurait fait perdre la raison, les Allemands, au fur et à mesure qu'ils surmonteront les obstacles opposés à leur furie, en verront se dresser devant eux d'autres, plus redoutables. Derrière Champneuville, ils rencontreront Bachereauville. Derrière la côte de Talou, la côte du Poivre. Derrière Louvemont et le bois des Fosses, la ferme d'Audremont et le fort de Douaumont. Derrière les Corrières, le bois de la Vauche, puis le bois d'Ardaumont. Plus au sud, ce sont encore de nouvelles barrières, Charny et Bras et la Folie. La ferme de Thiaumont et la Caillette. Après Thiaumont et Douaumont, il y aura la côte de Froide-les-Terres avec son fort, Fleury, le Chapitre et le fort de Vaux. Enfin, la dernière digue, au pied de laquelle la vague allemande, déjà brisée sur cent écueils, viendra mourir à la fin de juin, est constituée par les forts de Belleville, de Saint-Michel et de Souville et les hauteurs de la Lofée. Ce n'est pas sans raison que nous nous sommes astreints à une énumération qui deviendrait fastidieuse si tous ces noms de villages, de bois, de monts et de forts n'avaient été illustrés par d'innombrables combats. S'ils n'évoquaient à la mémoire de tous les phases de la bataille formidable que les Allemands nous ont imposées et sur les conséquences de laquelle ils se sont si bien leurrés.